بسم الله الرحمن الرحيم. متن الأربعين النووية من الأحاديث الصحيحة النبوية. الحديث الثاني: الإسلام والإيمان والإحسان. عن عمر رضي الله عنه أيضا قال: بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر، ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأسند ركبتيه إلى ركبتيه، ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد، أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. قال: فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ قال: فأخبرني عن أمارتها. قال: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. قال: ثم انطلق، فلبثت مليا، ثم قال لي: يا عمر، أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. رواه مسلم. Le deuxième hadith, Islam, Iman, Ihsan. Omar, radiyallahu anhu, que Dieu soit satisfait de lui, a dit encore: un jour, nous étions assis en conférence chez l'envoyé de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, à lui bénédiction et salut, et voici que se présenta à nous un homme vêtu d'habits d'une blancheur resplendissante et aux cheveux très noirs. On ne pouvait distinguer sur lui une trace de voyage, alors que personne d'entre nous ne le connaissait. Il prit alors place en face du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il plaça ses genoux contre les siens, et posa les paumes de ses mains sur les cuisses de Rasulullah, et lui dit: « Ô Muhammad, fais-moi connaître qu'est-ce que l'islam ?» L'envoyé de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, a dit alors: l'islam consiste à témoigner qu'il n'est d'autre divinité qu'Allah, et que Muhammad est son envoyé, accomplir la prière rituelle, verser la zakat, et accomplir le jeûne de Ramadan, ainsi que le pèlerinage à la maison d'Allah si vous avez les moyens de le faire. Son interlocuteur lui répondit: tu as dit vrai, et nous nous étonnâmes tant de sa question que de son approbation. Puis il reprit: « Fais-moi connaître la foi, l'iman. » Le prophète répliqua: « La foi consiste à croire à Allah, à ses anges, à ses livres, à ses prophètes, au jugement dernier, croire aussi à la prédestination touchant le bien et le mal. » L'homme lui dit encore: « Tu as dit vrai. » Et il reprit: « Fais-moi connaître la vertu, al-ihsan. » Et le prophète lui répondit: « La vertu consiste à adorer Dieu comme si tu le voyais, car si tu ne le vois pas, certes, lui, il te voit. » L'homme lui dit encore, « Fais-moi connaître l'heure du jugement dernier. » Et le prophète lui répondit, « Sur l'heure du jugement, l'interrogé n'est pas plus savant que celui qui lui pose la question. » Là-dessus, l'homme lui dit, « Fais-moi connaître les signes précurseurs. » Et le prophète lui répondit, « Ce sera lorsque la servante engendrera sa maîtresse, lorsque tu verras les va-nu-pieds, ceux qui vont nus, les miséreux, les pâtres, se faire élever des constructions de plus en plus hautes. » Là-dessus, l'homme partit. Je demeurai là longtemps, puis le prophète dit, « Ô Omar, sais-tu qui m'a interrogé ?»« Non, » répondis-je, « Allah et son envoyé sont plus savants. » Cet homme-là était l'archange Gabriel. Il est venu vous faire savoir votre religion. Cité par Muslim. The second hadith, Islam, Iman, Ihsan. Umar ibn al-Khattab, may Allah be pleased with him, radiyallahu anhu, said, while we were sitting with Allah's messenger, sallallahu alayhi wa sallam, one day, a man who had an extremely wide garment on, who had extremely black hair, and who did not have any traces of trouble, came to us. None of us knew him. He sat with the Prophet, sallallahu alayhi wa sallam, so close that their knees touched. He placed his hands on his thighs and said, O Muhammad, tell me about Islam. Allah's Messenger, sallallahu alayhi wa sallam, said, Islam is to testify that there is no deity worthy of worship besides Allah, and Muhammad is the Messenger of Allah. Establish prayer, give obligatory charity, fast Ramadan, and perform pilgrimage if you are able. The man said, You have stated the truth. We were amazed by him. He asked him, but then degraded him as having told the truth. Then he said, Tell me about faith. Allah's Messenger, sallallahu alayhi wa sallam, said, It's to believe in Allah, His angels, books, messengers, the last day, and the good and bad parts of predestination. The man said, You have stated the truth. Tell me about Ihsan, perfection. The Prophet sallallahu alayhi wa sallam said, It's to worship Allah as if you see him. If you cannot see him, he sees you. The man said, Tell me about the hour, the last day. The Prophet sallallahu alayhi wa sallam said, The one being asked is no more knowledgeable than the one asking. The man said, Tell me of its signs. The Prophet sallallahu alayhi wa sallam said, It's when a slave girl gives birth to her master, and when you find barefoot, naked, poor shepherds competing in building structures. Then he left, and I remained for a short while. Then Allah's Messenger sallallahu alayhi wa sallam said, O Umar, do you know who that questioner was? I said, Allah and His Messenger know more. He, sallallahu alayhi wa sallam, said, That was Jibreel, may Allah exalted his mention, who came to teach you your religion. Reported by Muslim.